Chapitre 3e. Le vieux dans le coin me regarda plaisamment, la tête inclinée de côté. Puis il reprit son morceau de ficelle et commença, tout en me parlant, à défaire les nœuds qu'il y avait élaborés. « Repassons, si vous le voulez bien, par la suite de raisonnements que je suivais moi-même et qui vous mèneront inévitablement, comme elles m'y ont mené, à la solution du mystère. D'abord, il est impossible que Smethurst n'ait pas connu Kershaw puisque son arrivée en Angleterre était indiqué avec précision à celui-ci dans deux lettres. Je n'ai jamais cru, même lorsque je ne voyais pas encore clair dans l'affaire, qu'un autre que Smethurst ait écrit ces deux lettres. Vous répondrez qu'il fut prouvé que cette lettre n'avait pas été écrite par l'accusé. C'est exact. Mais, commençai-je, attendez, attendez, interrompit-il en continuant à libérer sa ficelle. On prouva bien que 6 jours après le meurtre, William Kershaw était vivant et déjeunait à l'hôtel Toriani, où, très à propos, il laissait un portefeuille, comme pour qu'il n'y ait aucune erreur sur son identité, mais on ne s'est jamais demandé où M. Francis Smethurst, le millionnaire, se trouvait ce même après-midi. « Vous ne voulez pourtant pas dire, » m'écriai-je, frappé d'une lueur. « Un instant, s'il vous plaît, » ajouta-t-il. « Comment se fait-il que le patron de l'hôtel Toriani ait été cité en témoignage ?» Grâce aux légitimes recherches accomplies à la requête de Sir Arthur Inglewood ? Oui, mais les hôtels sont littéralement innombrables dans Londres. Il est curieux qu'en si peu de temps on ait découvert celui que William Kershaw visita 2 fois. D'autant plus curieux que la police avait tenu l'affaire sous le boisseau jusqu'à l'arrestation et n'avait pas fait insérer dans les journaux la question ordinaire « Si quelqu'un peut donner des renseignements sur, etc., etc. » Sir Arthur Inglewood avait vraiment eu la main heureuse. Si heureuse que certainement son client avait su l'aiguiller sur la bonne voie. Ensuite, on ne demanda jamais à Mrs. Kershaw de produire un spécimen de l'écriture de son mari. Pourquoi ? Parce que notre intelligente police prit dès le début la fausse piste. Persuadée que Kershaw était mort, elle s'en tint à rechercher son cadavre. Le 31 décembre, dans un coin sinistre, on trouve un corps, on présume que c'est celui de William Kershaw. Je vous ai montré la photographie de l'endroit sombre, noir et désert affreusement. N'est-ce pas celui qu'une lâche canaille choisirait pour amener un casier étranger, partant de brouillard c'est facile, l'égorger d'abord, le voler ensuite de ses valeurs, de ses papiers, de son identité? On trouva le cadavre dans une vieille barque qui avait été amarrée quelque temps contre le mur au pied de cet escalier. Il était dans un état de décomposition avancée et, rappelez-vous, ne put être vraiment identifié. Mais la police voulait que ce fussent les restes de William Kershaw. On ne devina pas que c'était le corps de William Smethurst et que William Kershaw était l'assassin. Ah, ce fut artistement conçu et merveilleusement exécuté. Kershaw est un génie. Un génie, je vous dis. Admirez tout cela, depuis sa bague qu'il passe au doigt de sa victime encore chaude et l'épingle qu'il lui accroche à la cravate, jusqu'au déguisement qu'il prend et les boutons qu'il met à ses manchettes. Il rase sa barbe et ses cheveux incultes. Il rase même ses sourcils et coupe ses cils. Puis le voilà en de riches vêtements. Il avait une démarche traînarde et le dos voûté. Il fait l'effort devant le juge de se tenir droit et de marcher raide comme un fantassin allemand. Rien d'étonnant à ce que sa femme ne le reconnaisse pas au tribunal. D'abord, il est méconnaissable et puis, rappelez-vous aussi, qu'elle se détourne avec mépris de lui et qu'en outre, pendant qu'elle et Muller déposent, il tient sa tête mi-enfouie en ses mains. Et elle n'est plus dans la salle lorsqu'il parle. D'ailleurs, il nasille et affecte un accent étranger. Sans doute, s'il a accompli le crime de cette façon, c'est parce que Smethurst était entièrement rasé. Cette possibilité de lui ressembler aisément lui suggéra tout le plan. Ah, on n'eût pu pousser plus loin les recherches. Elles eussent été vaines. Et puis, cette idée délicieuse de revenir à l'hôtel Toriani, où l'après-midi du meurtre, il s'était arrêté quelques jours après le crime. Juste le temps de trouver et d'acheter une fausse barbe et une perruque absolument semblables aux cheveux et à la barbe qu'il avait rasée. Hein ? Se déguiser, se maquiller en soi-même, est-ce splendide ? Et il n'oublie pas d'oublier le portefeuille, magnifique. Notez que Kershaw avait beaucoup voyagé et que sans doute il eût pu parler russe, s'il l'avait fallu. Kershaw assassiné ? Impossible. Il était à l'hôtel Toriani 6 jours après le meurtre. Tandis que Smethurst, le millionnaire, faisait des emplettes dans les établissements chics de Bond Street. Génial, je vous le dis. Génial. Le bonhomme se levait. Il prit son chapeau qui était vieux et sale, courba sa fluette stature en une révérence sans fin et comique, et disparut. Un instant, stupéfait, je le suivis du regard à travers les vitres. Dans la foule, il se parlait à lui-même et gesticulait. C'était le mystère de Fenchurch Street par Emma Orczy.